La Corée vient de mettre au point Insam vert de grande valeur alimentaire et médicinale. La nouvelle espèce à haut rendement produit plus d'1,5 fois plus que les précédents. Aliment abondant de protéines, il a une très grande valeur nutritive par rapport aux autres légumes. À la vie alimentaire, il a la même efficacité qu'Insam pour les chétifs.